fait bien 10 minutes que je ne t'ai pas quitté. Tes yeux, interminable minute qui semble rallonger. Le temps passe peu à peu. J'aurais voulu qu'on discute, je voudrais t'offrir un café. Je lui ai dit je m'appelle monsieur. Je voudrais que notre histoire débute, je voudrais qu'on se fasse encadrer. Chahute.